plupart c'est des fous. H24 sont dans la caisse, tout le monde est con, tout le monde est sous. Ça y est, c'est l'été, le roi il est endetté. Il fait rien à part détail, sur lui les stupes ils font qu'enquêter. Un gros toxico, par la rue il est piqué. En ville tu le croises mettre sa picouse à 2-3 clés, rien de compliqué. Devant le comico, il roule sans permis toute l'année. Dans le secteur il est cramé, on sait que lui c'est un gros camé. Il tourne en rond, un flash, un zerg, tout ce qu'il apprécie. Il est pas pressé, voit les keufs, il est pas stressé. Avec lui y'a tout, mais rien gratuit. Des coffres où elle ou il veut qu'encaisser. Il au casino, même sa meuf il ferait tapiner. Il a rien prévu pour cet été, à tout moment il peut se faire péter. C'est sa routine, tu te laisses avoir une gamine. T'as beau tout dire, il s'arrête jamais. Quand il partira, on dira miskin. C'est trop un fou, du quartier il part sur un coup. Capuche, lunettes, carrera. Plein de soucis, demain ça ira. Rob Batneyek sous la caméra. C'est ça l'erreur. Capuche, lunettes, carrera. Plein de soucis, demain ça ira. Rob Batneyek sous la caméra. C'est ça l'erreur. Capuche, lunettes, carrera. Plein de soucis, demain ça ira.